Chapitre 5. Les habitants du lac. Les jours passèrent. Nous nous attachions de plus en plus à ce lac merveilleux. Nous y allions visiter les îles en compagnie de nos amis aquatiques. Des troupes de jeunes hommes et de jeunes femmes poussaient notre radeau en se jouant, nageaient tout autour dans l'eau très transparente. Nous prenions du repos aux berges fraîches, sous de frêles saules ou de hauts peupliers. Mais de cette vie délicieuse, le charme supérieur était nos hôtes mêmes, que nous commencions à connaître et avec qui nous échangions 3 ou 4 paroles. Toutefois, c'est eux qui apprenaient notre langue, nos oreilles demeurant impuissantes à analyser les sons dont ils communiquaient entre eux. Leur mœur était simple et facile. La notion de famille leur était parfaitement étrangère. Je crois que toute la population du lac montait à 1200 personnes environ. Hommes et femmes élevaient indifféremment les enfants. Nous n'en vîmes négliger aucun. Leurs habitations étaient de bois, recouvertes de mousse et de branchages, creusées de fenêtres. Elles ne servaient guère durant la belle saison et devaient être plutôt des abris pour hiberner. Leur cuisine se faisait en plein air et ne consistait qu'en cuisson de poissons, d'œufs, de champignons et de quelques légumes sauvages. Ils ne mangeaient pas leurs oiseaux domestiques ni aucun animal à sang chaud. Nous comprîmes qu'ils répugneraient à nous en voir nourrir. Nous nous contentâmes de leur régime. Notre santé s'en trouva très bien. Ils avaient quelques armes, entre autres une manière de harpon hélicoïde qu'ils pouvaient lancer sur l'eau, non seulement en ligne droite, mais encore en série de courbes, et faire revenir à eux comme le boomerang des Australiens. Ils s'en servaient pour capter les gros poissons. Il faut dire ici que les poissons du lac étaient les plus rusés que j'ai vus, sans doute à cause même de la présence d'un homme marin qui, de génération en génération, les avait accoutumés à une défense plus subtile qu'ils en ont ailleurs coutume. Nos hôtes en avaient aussi apprivoisé beaucoup. Ils ne touchaient pas à ceux-là, ils ne consommaient que leurs œufs. En revanche, ils étaient âpres à la chasse aux brochets et aux perches. Leur industrie n'était pas complexe, encore qu'ils connussent le métier du potier et les éléments de ceux du menuisier et du charpentier. Ils n'usaient point de métaux, mais d'une sorte de néphrite fort dure, dont ils faisaient leur harpon, leur scie, leur hache, leur couteau. Somme toute, la simplicité de leurs besoins matériels ne les portait guère à l'industrie. Leur vie était plus poétique que pratique. Jamais je ne vis créature plus débarrassée qu'eux de tout souci d'accaparement ou de propriété. Ils semblaient n'avoir retenu que les éléments de bonheur, écartés toute vaine souffrance. Non d'ailleurs qu'ils fussent indolents. Ils adoraient l'exercice, les voyages aquatiques, jusqu'à l'épuisement. Ils étaient sans cesse en mouvement comme les cétacés. À l'encontre des sauvages qui passent des chasses forcenées aux longs jours d'assoupissement, ceux-ci se remuaient inlassablement. Mais cette prodigieuse action n'avait aucun but productif. C'était leur rêve. Ils nageaient, voguaient, bondissaient, comme d'autres se reposent. À part quelques chasses sous l'eau, et uniquement contre les poissons carnivores, ils bougeaient pour bouger. Je leur vis résoudre d'extraordinaires problèmes de mouvement, une variété d'attitudes et de lignes auprès desquelles la souplesse de l'hirondelle ou du saumon est grossière. Leur jeu n'était qu'un continuel déploiement d'art, des nages denses, des ballets complexes et suggestifs. Aller voir se croiser, se tourner, décrire des hélices les uns autour des autres, se précipiter à 20 ou 30 dans des tourbillons, on sentait chez eux un sens de pensée dynamique, de pensée musculaire, inconnu chez les autres humains. Surtout, ils étaient admirables dans le clair de lune. J'ai assisté à des fêtes sous l'eau, si belles, si douces, si rêveuses, fêtes d'évolutions si variées, que rien ne s'y peut comparer en ce monde. Ces fêtes s'accompagnaient, lorsqu'ils étaient en nombre, d'un phénomène étrange et délicieux. L'eau, rythmée par leurs balais, élevait peu à peu une voix euphonique. Cette voix partie d'une mélopée indicible, une confidence de murmure, un chuchotement d'harmonie, s'enflait lentement, ineffablement. L'élément tremblait et chantait. L'élément envoyait un grand hymne humide, aux douceurs intraduisibles, aux voix pénétrantes du prodige, qui nous faisait venir des larmes d'exaltation. Encore je rêvais à la légende, à cette victorieuse voix des sirènes que les navigateurs antiques crurent ouïr sur les flots. N'était-ce pas elle que nous entendions dans la nuit argentée, mais si bonne, si fraternelle, et combien supérieure au mythe, car c'est l'eau même, c'est le lac qui chante, c'est la grande rumeur des vagues soumise au rythme par les hommes des eaux, comme y pourrait être soumise la rumeur du vent sur les forêts. La pensée par le mouvement n'était pas uniquement chez nos hôtes, générale et poétique. Elle devenait souvent particulière. J'entends qu'elle servait à exprimer des notions précises. J'ai pu épier, par exemple, dans quelques cas, de véritables dialogues en action, dont je finissais par saisir quelques vagues linéaments, insuffisants sans doute pour me faire suivre la pensée des nageurs, mais très suffisants pour me faire saisir que c'était une causerie que je voyais. Dans des leçons aquatiques aux enfants, auxquelles j'eus la joie d'assister, je me confirmais dans ma conviction. Ceux qui enseignaient les enfants exprimaient leur approbation ou leur désapprobation par des inflexions de nage, dont en fin de compte j'en distinguais deux au moins. Par l'un, on arrêtait net la leçon, par l'autre, on la modifiait. L'amour y trouvait naturellement son expression. Les hommes des eaux savaient déployer un art de tendresse, de supplication, de fierté, variable d'individu à individu, art plus imprévu que leur art collectif, art très subtil, très délicat et peut-être supérieur à nos idylles causantes. Ils ne semblaient pas avoir l'esprit métaphysique, peu enclin à l'abstraction. Je ne vis nulle trace de culte, de croyance surnaturelle, mais un vif amour de la nature. J'ai parlé de leur douceur envers les oiseaux et les mammifères, et aussi envers les poissons domestiques. Cette douceur les mettait en communication intime avec les êtres. Ils savaient s'en faire comprendre à un degré admirable. J'ai vu donner des ordres à des salamandres, à des chauves-souris, à des oiseaux, à des carpes, des ordres dont l'idée seule nous paraîtrait chimérique, par exemple d'aller en quelque place désignée, quelque île, quelque district du lac. Des signes ont fait, sur ordre, des trajets de plusieurs lieues. Des chauves-souris ne chassaient plus pendant quelques jours. Des carpes cessaient temporairement de s'abriter dans une retraite favorite. La scène qui se passa lors de notre première rencontre avec l'homme des eaux se renouvela souvent depuis sous mes yeux. À l'aide d'un roseau, entaillé de rainures plus ou moins larges et profondes, et par le frottement d'un crochet de pierre, quelques musiciens produisaient ces notes si finement intervallées. Les sons rassemblaient les bêtes et les tenaient sous le charme. Reptiles, oiseaux, poissons venaient les écouter et les bêtes de proie accordaient une trêve à leurs victimes. Que de fois ces scènes nous enchantèrent, que d'heures claires à voir tel musicien ou musicienne renouveler les fables antiques et avec un instrument si rudimentaire. Que d'extraordinaires félicités dans tous les jeux, dans toute la vie de ces populations amphibies. J'ai dit que les mœurs étaient libres, avec une réserve pourtant. L'union durait un mois lunaire. Généralement, la lune nouvelle coïncidait avec la période du choix. Jeunes gens et jeunes filles s'appariaient alors jusqu'à la fin des phases. C'était tout de même une sorte de mariage, un mariage ensemble physiologique et astronomique, d'autant que les jeunes filles étaient parfaitement accordées avec l'astre. Ces mœurs ne suscitaient aucun désordre. Elles s'accompagnaient d'une grande loyauté. Nous ne vîmes ombre de dispute, moins encore de combat, entre nos hôtes mâles. Le choix fait, chacun s'y tenait jusqu'au décours de la lunaison. Chacun le refaisait jusqu'à la lunaison prochaine. Il n'était pas interdit de continuer le mariage par un nouveau bail, mais il était rare qu'on le fît. Plutôt s'y reprenait-on quelques mois plus tard. Pour les enfants, ils appartenaient pendant quelques mois à la mère, mais la communauté entière veillait à leur bien-être. Relativement à un organe d'adaptation qui put expliquer leur long séjour sous l'eau, je n'ai pu décidément en trouver aucune trace. Le temps qu'un homme des eaux peut plonger sans reparaître à la surface est parfois de plus d'une demi-heure. Si vous ajoutez à cela une vitesse de nage qui atteint de 30 à 45 km par heure, vous verrez qu'ils peuvent rivaliser avec les cétacés. Ils ont une véritable supériorité sur ces derniers, dans leur œil qui est admirablement adapté à la vision aquatique. C'est ce que la simple inspection de cet organe pouvait déjà faire prévoir. Leurs immenses prunelles planes sont aussi favorables à la vue dans l'eau que les yeux du faucon à la vue aérienne. A posteriori, la supériorité de cet organe est surabondamment démontrée par la subtilité de leurs évolutions. Ils accomplissent en troupe des merveilles de précision. Ils calculent, à une ligne près, des élans qui, mal exécutés, se termineraient par des chocs terribles. Dans leur chasse-pêche, ils perçoivent le menu poisson à des centaines de mètres. Sur terre, leur vue est trouble, à la façon de celle des presbytes. Ils distinguent confusément en deçà de 10 mètres. En revanche, ils voient assez bien dans le lointain. Leur ouïe aussi est sensiblement différente de la nôtre. J'ai parlé de leur musique, intervallée par de véritables comas, de leur bizarre articulation de paroles. C'est, je crois, que tout comme leur œil, leur oreille est plutôt adaptée à la vie aquatique qu'à la vie aérienne. On sait que la vitesse du son est plus que quadruple dans l'eau que dans l'air, ce qui crée nécessairement de sérieuses divergences entre une ouïe développée en milieu aquatique et une ouïe aérienne. On répondra que la vraie divergence est que les habitants de l'eau sont le plus souvent muets, que l'ouïe s'est développée avec la raréfaction de l'air. Je n'ai pas à discuter ici ce problème. L'expérience est de mon côté en ce qui concerne les hommes des eaux et prime toute théorie. Je me bornerai à dire que, une fois né, l'ouïe a pu recevoir des modifications dues au milieu même qui avait retardé sa naissance. C'est ainsi que si une atmosphère très dense a pu s'opposer à la production d'un organe d'audition, il n'est pas prouvé que l'organe, déjà venu, ne serait pas capable de se développer tout de même si l'animal était amené à revivre dans une atmosphère dense. Au surplus, le fait que l'ouïe a cru sur la terre dans les conditions précitées ne démontre pas péremptoirement qu'elle n'eût pas cru autrement. Il n'y eût fallu sans doute que quelques millions d'années de plus. Et enfin, et surtout, les affirmations actuelles de la science à ce sujet ne sont peut-être pas plus définitives que telle assertion de nos devanciers immédiats, comme par exemple celle, bien importante cependant, qui attribuait le vaste développement des reptiles de l'âge secondaire à la présence de grandes quantités d'acide carbonique. On sait qu'aujourd'hui on l'attribue au contraire à un excès de pression et d'oxygène. Chapitre 6. L'attaque. Un matin, nous voguions mollement, Sabine et moi, sur le lac. Notre ami nous avait d'abord suivis dans notre paresseuse promenade. Il allait, revenait par des sauts imprévus, entraînait quelque temps notre radeau. Nous fîmes halte à l'ombre d'un bouquet de frênes sur un îlot. Des nymphéas songeaient neigeusement sur leurs feuilles assombries. L'humble renoncule d'eau se levait entre de fins archipels d'algues. Les sagittaires déployaient leurs fines pâleurs, aux reflets adoucis comme les nimbus à l'aube. Et les poissons aigus, émergeant par cohorte, s'élançaient à la joie. Plantes et bêtes glorifiaient le jour. L'heure sonnait aux carillons de l'ombre, aux rides de l'eau, au balancement du roseau. Les tièdes caresses se cherchaient dans les impondérables nues de pollen, dans la fleur venue tendrement des profondeurs vers une fleur aimée. Le monde des eaux, père de la vie, ancêtre fécond, multipliait son intarissable magie. Le regard de Sabine était imprégné de la fraîcheur du lac, de la palpitation du jour. Émue, je tremblais en la regardant. Éternel Éden de la nature, autour de la jeunesse amoureuse. Je me souviens du passage d'un rayon sur elle, à travers la trouée du feuillage. Elle était debout, ses cils abaissés vers moi. Le rayon se mit à trembler sur sa chevelure, dans un frôlis de feuilles. Un rameau tomba, un insecte brillant erra sur son col. Et le bonheur semblait posé sur l'eau bleuissante, sur le bord nacré des pétales. Je la pris contre mon cœur. Une douceur périlleuse nous commandait. « Toujours, » murmurai-je. Puis j'eus peur, je m'écartai d'elle. Nous n'osions plus nous parler. Une menace trop charmante rôdait autour de nous. L'accent des feuilles, le frou-frou d'un passereau, le susurrement des insectes, semblèrent des soupirs de l'au-delà. Une rumeur vint nous tirer de cette extase. C'était à notre gauche, vers une île de peupliers. Une trentaine d'êtres humains s'y agitaient. D'autres bientôt les joignirent, qui sortaient du lac. « Des hommes des eaux, » dis-je. « Oui, mais, vois, ils sont autres que ceux que nous connaissons. » Effectivement, ceux-ci étaient d'une couleur foncée, une espèce de bleu noir. Sabine se pressa vers moi avec un mouvement de crainte. « Retournons chez nos amis. »« Je le veux bien, » dis-je. Je me disposais à démarrer lorsqu'un bouillonnement violent souleva notre radeau. Une demi-douzaine d'hommes émergèrent proche de l'îlot. Comme nos hôtes, ils avaient les yeux bizarrement ronds, sans presque de sclérotique, les prunelles quasi creuses. Mais leur teint et leur chevelure étaient fort différents, et aussi leur attitude. Ils nous observèrent à distance. L'un d'eux, jeune homme athlétique, ne cessait de contempler Sabine. Armé de harpons, ils semblaient redoutables. Je frémis en les voyant approcher davantage. Sabine devint très pâle. Tout à coup, celui qui contemplait Sabine parla de la voix humide, clapotante de sa race. J'eus un geste d'ignorance. Ils firent entendre un cri de menace, ils agitèrent leurs harpons. La situation devenait critique. J'avais bien ma carabine que je tenais prête, mais les deux coups tirés, comment nous défendre contre ces êtres familiers avec un élément où ils pouvaient se dérober. D'ailleurs, en supposant que je pusse tenir tête, n'y avait-il pas à une centaine de mètres une multitude prête à les aider? Tandis que je réfléchissais au péril, le jeune athlète s'était remis à parler. Du geste, il semblait exiger une réponse. Alors j'ai levé la voix. Ils furent frappés de stupeur. Arrêtés un instant en conciliabule, leurs harpons se relevèrent, leur cri s'éleva plus menaçant. Il devint évident qu'ils s'apprêtaient à m'attaquer. J'armai ma carabine. Il régna un moment d'horrible silence. Je nous crus perdus. Je me préparai à mourir courageusement. Un cri s'éleva au large. Mes antagonistes se retournèrent. Je ne pus retenir une exclamation joyeuse. Une troupe de nos hôtes nageait vers l'îlot. Notre ami, en tête, faisait des signes aux agresseurs. À ces signes, les harpons étaient retombés. Bientôt, Sabine et moi, nous nous retrouvâmes au milieu de nos amis. Nous assistâmes alors à une espèce de cérémonie où nos hommes des eaux faisaient accueil aux autres. De l'île des peupliers, la horde sombre accourut entière. On échangea des présents. Les bras s'entrelacèrent singulièrement. Il me parut discerner quelque fausseté dans les démonstrations des deux races, surtout du côté des sombres. Le jeune athlète continuait de regarder Sabine à distance, d'une manière qui me fâchait extrêmement. Nos hôtes nous avaient reconduits à notre île. Notre soulagement fut grand de nous retrouver à l'abri. Toutefois, une inquiétude subtile nous hantait. Je crus remarquer qu'elle était partagée. Notre sauveur, surtout, était ému. Il ne nous quittait plus. Il nous montrait un dévouement admirable et l'affection appelant l'affection, je me prenais à l'aimer fraternellement. L'après-midi se passa sans encombre. Une heure avant le crépuscule, une députation d'hommes des eaux sombres se présenta à l'île. Parmi ces personnages, je reconnus le jeune athlète. Il semblait agir comme un chef. Les nôtres reçurent la députation avec honneur, offrant des cadeaux. Et il y eut une ronde aquatique où les clairs et les sombres se distinguèrent à l'envi. Je me tenais à l'écart avec Sabine et notre ami. nous observions tout, à travers les ramures surbaissées d'un frêne. Malgré notre inquiétude, la fête ne laissait pas de nous intéresser. Au moment le plus animé, tout soudain, deux hommes émergèrent, non loin de notre retraite. Nous aperçurent-ils? Avaient-ils épié auparavant? Je ne sais, mais ils s'avancèrent sur nous. C'était encore le jeune chef. Seulement, il avait un visage souriant, amical, des gestes pleins de douceur. Il dit quelques mots à notre compagnon. Puis, s'éloignant, il regarda Sabine. L'expression de son regard, avide, équivoque, me fit frissonner. Ils retournèrent au lac. Alors notre ami, secouant la tête, laissa nettement paraître son inquiétude. Il me fit signe de veiller sur Sabine et que lui-même ferait bonne garde. La nuit fut pénible. Des lueurs couraient sur le lac et parmi le feuillage des îles. On entendait des musiques étranges. On entreapercevait des troupes sur les eaux. C'était à la lune décroissante. L'astre se leva, aux tiers rongés, vers 11 heures du soir. Des nues lui faisaient cortège, une pâle théorie qui parcourait tout le zodiaque. Par instant, la lune passait sa tête jaune dans une fenêtre vaporeuse. Alors on apercevait les remous du lac traversés par de grands corps véloces. Vers 1 heure, les sombres vinrent en masse à moins d'une centaine de mètres de notre île. La lune avait blanchi. Elle surgissait finement sur un promontoire nuageux. Elle traçait une route tremblante sur les ondes. Les peupliers étincelaient avec douceur. Tout au fond, un pan de vapeur se défaisait, laissait transsuder une lumière de métamorphose. La lueur parut y tracer une citerne, un cratère blême, net sur les bords, des écharpes de peluche blanche et des perles. La troupe des hommes poursuivait sa danse aquatique. L'eau se mit à chanter, finement, cristallinement. Des voix s'élevèrent en appel. Des jeunes gens de notre île allèrent se joindre à la fête nocturne. Comme ces scènes m'eussent paru charmantes et passionnantes, sans la présence de Sabine. Quelle joie d'étudier les mœurs de ces êtres demeurés d'une antique race aquatique qui peut-être avait dominé sur des continents entiers. Parfois je m'abandonnais, je goûtais abondamment la poésie du spectacle. Mais bien vite revenaient mes doutes. Et certes, une défiance apparaissait entre les deux races, née peut-être de luttes anciennes. Leur union semblait plus tactique que profonde. Brusquement, la lune se voila, atteinte par de gros nuages. L'obscurité tomba, grandissante. J'eus peur. Je me rapprochai de l'abri de ma compagne. Je me mis en travers de l'étroite entrée. Là-bas, la fête cessait. Nos jeunes gens revinrent. Un profond silence pesa sur les eaux. Je veillais encore. 2 ou 3 fois, je crus entendre un bruit de pas dans les herbes et je ne m'endormis que vers l'aube. Chapitre 7. La disparition. Rien de particulier ne survint durant la fin de la semaine. Chaque jour, des hommes des eaux noires venaient en députation vers notre île. Les nôtres leur rendaient visite sur la grande île la plus voisine, où ils avaient établi leur campement. Les jeunes gens des deux races continuaient à organiser des fêtes. L'animation avait grandi. Les nuits se passaient en ronde, en grands balais aquatiques au clair de la lune décroissante. Le temps demeurait tiède. Une invincible exquisité accompagnait l'appréciation continuelle qui me torturait. Mon sommeil était trouble, traversé de cauchemars. Je m'éveillais en sursaut, les tempes baignées, la bouche fiévreuse. J'aurais dû me rassurer cependant, d'abord parce que nous étions bien gardés, ensuite parce que les nouveaux venus semblaient avoir oublié notre présence. Il était très probable que le jeune chef, en supposant qu'il eût eu quelque idée équivoque, l'avait abandonné avec cette mobilité qui semblait un des caractères de sa race. J'avais beau me répéter cela, je n'en étais pas plus tranquille. un pressentiment plus fort que toute raison m'obsédait. D'ailleurs, nos amis montraient toujours une méfiance égale à la mienne, et qui ne contribuait pas peu à m'énerver. Ils ne devaient pas, eux, être mus par de simples pressentiments. Ils avaient sans doute des raisons sérieuses pour se défier. Un soir, au lever de la lune, les hommes des eaux noires vinrent en très grand nombre accompagnés de leurs vieillards. Il se fit de solennelles démonstrations, de plus nombreux échanges de cadeaux. Je devinai qu'il s'agissait d'un départ. L'espérance glissa furtive sur mon âme. Le ciel était pur sur les trois quarts de son pourtour, particulièrement à l'orient. Une lueur jaune errait sur les eaux. Les bêtes, amphibies, bruissaient sur les feuilles de nénuphars, sur les longues lèvres de l'iris. Toute l'humide perspective exhalait une poésie nerveuse. On percevait la fécondité sans bornes, le tendre élan de joie frôlant la pointe des roseaux, l'aile des noctuelles et des chauves-souris, la rêverie des saules. C'était un des jours où la création psalmodie la renaissance éternelle. Les hommes des eaux le sentirent. Leurs adieux furent une fête miraculeuse. Jamais je ne vis, sur le petit cosmos lacustre, un plus adorable ballet, une plus harmonieuse rêverie mouvante. Corps noirs et corps clairs passaient en entrelacs infinis, en arabesques pleines d'un sentiment subtil des courbes, en symphonie de trajectoire. Le jeu des raies lunaires, sur tous ces corps émergents, plongeant aux profondeurs, tournoyant dans des pénombres cristallines, des flaques de nacre et d'aigues marines, était si doux que j'en oubliais mes angoisses. Vers une heure, tout cessa. La scène des adieux fut grave. Je vis s'éloigner l'escadre vivante. « Ah ! » dis-je à Sabine, qui avait assisté avec moi toute cette scène. « Se pourrait-il qu'ils partent ?»« Je le crois, » fit-elle. Ses yeux craintifs se levaient vers moi, inondés de rayons pâles. Je l'embrassai avec un mélange de fièvre et de délices. « J'ai eu bien peur, pour toi. »« Pourvu, » dit-elle en soupirant, « que mon père revienne maintenant. Je suis si inquiète. »« Il reviendra. » Mais je n'étais toujours pas tranquille. Une peur informe, sans cause, continuait à remuer en moi, et que l'arrivée même de notre ami, nous expliquant par signe que les autres étaient bien partis, ne put dissiper. Pourtant, vers 2 heures du matin, je m'endormis fiévreusement. Je crois que mon sommeil fut d'abord très lourd, en revanche de mes insomnies des nuits précédentes. Vers le matin, j'eus un cauchemar qui finit par m'éveiller en sursaut. Mon cœur était en tumulte. La terreur régnait sur moi, confuse, étouffante. « Sabine ! » m'écriai-je. Je m'étais levé. Le sang-froid me revint. Je jetai un regard hors de mon abri. L'aube était venue. Les frênes susurraient dans la brise matinale. La lune errait encore près du zénith. Tout respirait la confiance. Les dernières palpitations du cauchemar s'éteignirent. Je restai quelques minutes à contempler la douce incertitude firmamentaire. Qu'il ferait bon vivre ici ! Je fis quelques pas vers l'abri de Sabine, et tout à coup, la stupeur, l'horreur, l'épouvante, l'abri était vide.